Flottement, y'a comme un moment de doute, un moment de doute, y'a comme un moment de doute, y'a comme on se regarde en chien de faïence et on se dévisage, on se regarde en toute défiance et on envisage le pire, n'est plus très loin. Prépare déjà bien.